Frank Snepp, Decent Interval. Lorsque je suis retourné à Saigon à l'automne 1972, ma chrysalide bureaucratique, la station de la CIA, subissait de plus en plus les critiques de la presse américaine pour les abus présumés qu'elle commettait au Vietnam et dont faisait partie le célèbre programme Phoenix. Il ne fait aucun doute que nous aurions été une cible moins tentante si, ces dernières années, nous nous étions concentrés sur notre objectif premier, collecter des renseignements. Depuis le début des années 1960, la CIA a de plus en plus trempé dans d'autres affaires. Et, comme l'a fait remarquer la presse en jubilant, elle s'est éparpillée de façon embarrassante. Non pas que nous ayons agi en outrepassant ce que nous dictait notre charte légale. Il existe une petite phrase bien pratique dans le National Security Act qui autorise la CIA et ses stations à l'étranger à accomplir ses fonctions et devoirs liés aux renseignements concernant la sécurité nationale que le Conseil national de sécurité détermine de temps à autre. Au début des années 1960, la Maison-Blanche profita de ce point faible pour entraîner la CIA sur des terrains d'activité, comme le recrutement et l'entraînement de groupes antiterroristes, où aucune autre expertise américaine n'était possible. Plus tard, comme l'armée se préparait pour une guerre ouverte, le président Johnson décida de laisser la CIA poursuivre les activités que son programme ne lui attribuait pas, de crainte que le Pentagone ne lui ravisse la vedette. Au milieu des années 1960, avec le consentement du président, la station du Vietnam atteignit peu à peu le nombre de 600 employés, dont des secrétaires, des analystes de renseignement et des espions en charge des dossiers, connus dans le métier sous le nom de « case officers ». Mis à part les quartiers généraux de l'agence en Virginie, cette section représentait la plus grande concentration au monde d'employés de la CIA. Avec le temps, les pressions subies continuellement pour augmenter le nombre d'employés ou les faire remplacer se firent si intenses que tout membre de l'agence se vit contraint de recruter chaque année un quota de volontaires pour aller au Vietnam, sans se soucier de leurs expériences passées. La plupart des case officers qui atterrirent au Vietnam étaient d'anciens membres allemands ou latino-américains de l'agence qui n'avaient aucune connaissance du pays et ne souhaitaient pas particulièrement en acquérir. Néanmoins, dans le mois qui suivait leur arrivée et sans qu'ils aient suivi le moindre cours de langue, ils se retrouvaient souvent exilés à l'avant-poste d'un trou perdu des régions montagneuses de l'ouest du Vietnam ou du Delta, où ils étaient responsables du recrutement d'agents, de la collecte de renseignements et de l'organisation d'un nouveau programme destiné à sauver le pays, connu sous le nom de « développement rural ». Robert Comer, ancien analyste de la CIA, a conçu le concept de développement rural en 1967, alors qu'il était conseiller à la Maison-Blanche. Il envisageait une démarche coordonnée visant à déraciner l'appareil politique des Viet Cong par le recours à l'antiterrorisme et à enraciner le gouvernement grâce à plusieurs projets de travaux publics dans la campagne. Les Vietnamiens réagirent à son plan en créant un ministère spécial servant ce but, alors que les Américains créaient CORDS pour diriger l'effort sur place. À la fin de l'année 1967, l'adjoint de Comer, William Colby, qui avait été chef de la division des opérations clandestines en Asie du Sud-Est de la CIA, fut nommé pour le remplacer à la tête de CORDS. En théorie, CORDS devait être un modèle d'œcuménisme, faisant appel à divers éléments de la mission Saigon pour constituer son personnel dirigeant. Il n'y eut jamais plus d'une centaine d'officiers de la CIA rattachés à son personnel, qui comptait 800 membres. Mais puisque la station de la CIA avait toujours été l'élément civil de l'ambassade le mieux organisé et disposant du plus de fonds, elle finit par gérer la plupart des projets de CORDS rendus publics, dont le programme Phoenix. Comme Colby l'a continuellement fait remarquer, le but du programme Phoenix était de capturer les cadres du Parti communiste et de les ramener vivants, de façon à ce qu'ils puissent être interrogés et utilisés dans le but d'obtenir des renseignements. Mais comme cela fut trop souvent le cas par le passé, la stratégie des Américains était trop ambitieuse pour nos alliés vietnamiens. Au niveau bureaucratique, on rencontrait un problème de définition. Personne, ni du côté vietnamien, ni du côté américain, n'avait jamais décidé qui serait considéré comme étant un cadre du parti Viet Cong. Était-il un chef de village local qui servait à mi-temps les Nord-Vietnamiens? La définition englobait-elle seulement des communistes inconditionnels, les membres du parti? Par manque de conseils, les équipes d'intervention du programme Phoenix optèrent pour une approche éclatée, interpellant toute personne qui pouvait être considérée comme un suspect. Et quand les prisons finirent par être pleines à craquer, ils commencèrent tout simplement à faire justice eux-mêmes. Toutefois, avant même que la presse n'ait eu vent des abus perpétués dans le cadre du programme Phoenix, la CIA tentait déjà de se mettre à l'abri. Quand la vietnamisation commença en 1969, le chef de station Theodore Shackley décida de retirer progressivement le personnel de l'opération CORDS et ses programmes de construction de la nation, et de se concentrer sur les fonctions relevant plus traditionnellement des services de renseignement, comme dérober des secrets aux communistes et au gouvernement sud-vietnamien. Alors que cela se mettait en place, la station avait déjà les compétences nécessaires pour traiter avec la première cible, car depuis longtemps déjà, nous avions la chance d'avoir des espions productifs au sein du haut commandement communiste. Au fil des ans, l'un d'entre eux, qui prédirait plus tard la façon exacte dont allait finir la guerre en 1975, nous a fourni des renseignements stratégiques impressionnants, dont la mise en garde contre l'offensive communiste de 1968 que les analystes de Washington avaient malheureusement ignorée. Toutefois, Shackley, ambitieux technocrate, n'était pas satisfait des accomplissements de la station. Et pendant qu'il était en fonction, de 1969 à 1972, il poussa continuellement le personnel de la station à recruter, c'est-à-dire soudoyer, attirer par la ruse et engager n'importe qui pour qu'il travaille pour nous en tant qu'agent. Quand il partit, le nombre d'espions recrutés par la station avait considérablement augmenté, et le flot de rapports renvoyés à Washington avait atteint le chiffre record de 500 par mois. Ce n'est qu'un peu plus tard, en 1974, alors que la CIA essayait désespérément de clarifier la stratégie du couvre-feu à Hanoï, que nous nous rendîmes compte des dégâts causés par le zèle de Shackley. On découvrit que plus d'une centaine d'agents Viet Cong que l'on avait recrutés sous son règne fabriquaient de fausses preuves. Il s'agissait d'intelligents entrepreneurs vietnamiens qui ne savaient rien des plans des communistes mais qui avaient réussi à rassembler suffisamment d'informations grâce aux histoires racontées dans les journaux et à la soupe populaire pour nous fournir ce qui ressemblait à des renseignements valables, aux frais du gouvernement américain. En ce qui concernait la cible AMI, nom que l'on donnait au régime Thieu, la difficulté résidait tout autant dans l'initiative de notre politique que dans la qualité des agents que nous utilisions pour la mettre en œuvre. Dans les années qui ont immédiatement suivi le renversement du président Ngo Dinh Diem en 1963, le Vietnam du Sud fut secoué par une succession de coups d'État et de contre-coups, puisque les généraux ambitieux se succédaient et essayaient tour à tour d'exploiter l'instabilité politique du pays pour leur profit personnel. En 1967, en partie sur la suggestion d'un jeune analyste militaire brillant et pas encore sclérosé, nommé Daniel Ellsberg, le gouvernement américain décida de donner son soutien à un autre candidat, un général modeste du Sud, soi-disant non politisé, nommé Nguyen Van Thieu, fournissant un dernier effort pour sortir le pays du chaos. Plus tard, cette année-là, lorsque Thieu fut élu président, L'éminence grise la plus célèbre du pays était toujours Nguyen Cao Ky, le nord-vietnamien haut en couleur auparavant premier ministre et devenu alors vice-président. Toutefois, l'ambassadeur Bunker ne fut pas impressionné par Ky ou par son entourage et réussit petit à petit à les écarter en posant toutes les questions concernant la politique à Thieu en privé. Le coup de grâce fut porté à Ky au cours de l'offensive communiste de 1968, quand on tua nombre de ses alliés les plus puissants. À partir de ce moment-là, l'objectif premier de l'ambassade fut de renforcer à tout prix le gouvernement de Thieu, de façon à ce que les États-Unis puissent commencer à retirer leurs troupes du Vietnam sans avoir peur de provoquer une nouvelle crise politique. En octobre 1972, dans ce but, nous avions acheté, soudoyé et trahi tellement de militaires et d'hommes politiques sud-vietnamiens que nos espions et collaborateurs au sein du gouvernement n'étaient que de simples prolongements de nous-mêmes. Shackley lui-même avait entraîné le général Dang Van Quang, l'exubérant conseiller à la sécurité de Thieu, son Kissinger en quelque sorte, dans une relation de collaboration informelle avec la station, et avait créé des liens forts avec le général Nguyen Cac Binh, devenu chef de la police nationale du Vietnam du Sud grâce au soutien de la CIA. Quang et Binh ne furent jamais recrutés de façon formelle, dans le sens où ils n'acceptèrent pas d'argent de façon systématique pour leurs services, mais tous deux nous étaient si redevables sur le plan professionnel qu'ils devinrent des collaborateurs et des sources d'informations réguliers. Jusqu'au tout dernier jour de la République, on a fait passer Binh et Quang pour nos propriétés les plus importantes au Vietnam. En réalité, leur valeur était grossièrement exagérée. Aucun d'eux ne nous a fourni des renseignements que nous n'aurions pu obtenir d'une autre manière, grâce aux micros et aux écoutes téléphoniques que nous avions placées dans le palais présidentiel. Le bureau du Premier ministre était truffé de micros cachés. Et les renseignements qu'ils nous fournirent étaient souvent trompeurs, car tous deux se rendirent vite compte qu'ils pouvaient servir leurs propres intérêts et ceux de Thieu en nous donnant à entendre exactement ce que nous souhaitions. Par-dessus le marché, la station était si dépendante d'eux sur le plan politique. Ils étaient les porte-parole de la politique et des intérêts américains à l'intérieur du gouvernement, que nous ne pouvions jamais avoir une approche objective ou critique de leurs rapports. Même lorsqu'il fut évident, dans les derniers jours de Saigon, qu'ils nous cachaient des choses, nous avons continué à les dorloter et à leur faire plaisir, de peur de perdre nos derniers soutiens au sein du régime. La confiance que nous avons accordée à ces deux hommes eut des conséquences désastreuses. Elle n'eut pas seulement un effet défavorable sur nos services de renseignement, mais aussi sur la façon dont les Vietnamiens voyaient notre position morale et politique. En raison de la richesse et de l'importance dont nous les avons gratifiés, Quang et Binh devinrent les symboles de la corruption et de la décadence causée par les Américains, ce qui finit par fournir aux communistes leur meilleure arme de propagande.